Quand arrive un problème électrique, on est désemparé. On cherche la solution. Alors, ne cherchez plus, il y a les électriciens du Nord incorporés au 1025 Première Rue à l'Ascension. Notre spécialité, les installations résidentielles, commerciales ou industrielles. Une équipe d'expérience qui a plus de 30 ans de présence dans le milieu. Vous le savez, on ne joue pas avec l'électricité. Confiez-le à des pros. Les électriciens du Nord au 418-347-5103 où on fait la vente d'équipements neufs ou usagés. Le personnel et la direction des électriciens du Nord invitent toute la population à participer en grand nombre aux activités de Milo en radio qui se déroulent en fin de semaine. On va parler de baseball avec notre ami Marc Griffin. Salut Marc. Salut. Marc, ce qui fait jaser dans le baseball ce matin, c'est la suspension de James Herrera, le lanceur des Marlins de la Floride. Suspendu 6 matchs. Ça veut dire qu'il va manquer à peu près un départ. Écoute, c'était... La raison qu'il l'a atteint, c'est parce que Ronald Acuna, le joueur des Braves d'Atlanta, le voltigeur, avait une séquence de coups de circuit. Je pense que c'était 3 matchs consécutifs. Il avait commencé le match avec un coup de circuit. Donc, Herrera l'a atteint et les bases se sont vidées par la suite. Question, un, est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est correct? Deux, mais c'est que Don Mattingly n'a pas été suspendu parce que ce lancer-là devait être commandé. Non, ça n'a rien à voir. Le gérant, okay. jamais. Ça se passe en parfois un, deux ou trois joueurs. Oui, ça peut même se passer dans la tête du lanceur. C'est-à-dire, okay. Le lanceur qui veut faire son nom, veut se faire respecter, veut dire hey, écoute, là, ça marchera pas comme ça. Ça se peut. Mais écoute, ça je sais que dans les années 60, 70, ça se peut qu'un gérant mané dise hey, écoute, là, c'est assez là. Mais là, dans le baseball d'aujourd'hui, ça n'existe pas. Là. En tout cas, okay. je serais extrêmement surpris. Donc, comme je mentionne, souvent, c'est un petit groupe de joueurs qui disait, y a-t-il un lanceur qui est game là, de l'arrêter, celui-là? Bon, mm-hmm. Et là, il va être un jeune lanceur qui dit, OK, ben regarde, moi, je vais prendre les choses en main. C'est pas subtil. Tu sais, je veux dire, si tu voulais passer un message, là, donc t'as manqué ton coup là-dessus. Puis c'est ça qui a fâché un peu tout le monde. Et puis, tu sais, c'est comme si, à un moment donné, je vais pas l'expression de Buster Olney, mais c'est comme si, à un moment donné, t'as un gars qui lance un match sans point de coup sûr, puis regarde, tu pars avec ton bâton, puis tu t'envoies frapper l'avant-bras parce que t'es pas content. Tu sais, je veux dire, ça fait aucun sens, cette affaire-là. Moi, j'aurais été un petit peu plus sévère. Je trouve que... un départ. Ce qui va manquer, un départ, dans le fond. Oui, exact. Tu sais, que tu lances à l'intérieur durant une présence au complet. T'sais, je veux dire, sans l'atteindre, là, mais tu lances que des rapides à l'intérieur, puis ça frôle un peu, puis ça fait réfléchir. C'est une chose. T'sais, c'est une manière intelligente, selon moi, de... Mais là, de l'atteindre carrément, tu sais, s'il met pas son coude, il est là d'un côte, je veux dire, à un moment donné. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas visé la tête. On regarde les éléments positifs, il n'est pas visé la tête. Mais, tu sais, ça reste que, je pense qu'il y a un autre moyen de passer des messages à ce niveau-là. Puis là, ben, tu peux briser la carrière d'un joueur. C'est-tu vraiment ça que tu veux faire parce que monsieur est trop bon ou t'es impressionné, tu sais, je veux dire, oui, il va frapper des circuits dans chacun des matchs de cette série-là, entre autres. Fait que, puis bon, est-ce que à un moment donné, t'as pas aimé sa réaction à la suite d'un circuit? Hey, écoute, le baseball a un peu un ménage à faire. Je veux dire, on veut rajeunir le public. Tu sais, David Bautista, quand il a frappé son grand chelem, à un moment donné, il a senti qu'il a dû s'excuser pour avoir fait un mini bat flip. Hey, un instant, tu frappes un grand chelem en 9e avec deux retraits et deux prises, là. Tu peux lancer ton bâton, puis tu peux célébrer, mon homme. Ouais. Fait que, ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir que les joueurs apprennent un peu plus là à accepter que c'est correct d'avoir un peu d'émotion sur le terrain, puis de démontrer cette émotion-là, sans pour autant manquer de respect. C'est effectivement pas été le cas de Acuna ou dans le cas de David Bautista. Donc, il va falloir qu'on prenne un peu plus de maturité à ce niveau-là. Ah, effectivement. Hey, Acuna, il frappe-tu depuis qu'il a été muté au premier rang? Incroyable, là. Je pense que. Ben, écoute, on le savait. Hein. Moi, ouais. Moi, dire, quand les Braves l'avaient rappelé, moi, je vais toujours apprécier ce joueur-là dans les images qu'on avait vues, puis ce qu'on pouvait lire de lui, c'était ce qu'on appelle un five-tool player, donc un gars qui est capable d'après tout faire là, sur un terrain. Ouais. Et là, il est en train de le démontrer. Moi, ce que je trouve rafraîchissant dans le baseball, c'est que tu regardes un gars comme Soto, tu regardes un gars comme le Acuna, c'est des jeunes joueurs qui arrivent avec des habiletés, là, déjà, là. Alors ça, je trouve ça fantastique, mais il est bon et il va rester bon. Puis les Braves sont en voiture avec lui. Effectivement. Puis ils ont Camargo, ils ont Aldis, ils ont Swanson à la Réco. Très bonne équipe. Je regarde régulièrement les Braves parce que je suis abonné au forfait de LMB Extreme. J'ai tous les matchs là. Puis sont vraiment intéressants à voir. Je te dis qu'Alex est arrivé dans le bon moment. Deuxième point d'actualité que je veux te parler. Grosse série qui débute ce soir à Houston entre les Athletics et les Astros de Houston. Les Athletics, encore une fois, qui sont en feu. Ont gagné 2-3 contre les Mariners de Seattle. Les Astros qui se sont fait balayer par les Mariners la semaine passée. Eux autres doivent avoir hâte que Altuve revienne, Springer et Correa, hein. Et même Lance McCullers, là, c'est incroyable ce qui se passe. Les blessures à Houston, là. Ouais, non, effectivement, ça les a affectés beaucoup. Puis tu sais, faut dire que même pendant ces blessures-là, les lanceurs partants ont été, tu sais, bons, mais pas extraordinaires comme ils l'avaient été depuis le début de la saison. Donc, tu sais, on peut parler d'un certain passage à vide. Là, c'est 4 victoires à leurs 10 derniers matchs pour les Astros. Alors, c'est sûr que ça fait réfléchir. Mais quelle belle histoire, les A's d'Oakland. Et eux autres, ils arrivent avec une confiance absolue. Il n'y a rien qui semble les arrêter présentement. Écoute, c'est une série extrêmement importante. La plus belle, en tout cas, au cours des prochains jours là, à suivre, là, c'est celle-là. Ça frappe, les A's d'Oakland. Là. Ouais. C'est parmi les bonnes équipes en attaque. Un différentiel qui approche les plus 70. C'est pas un feu de paille, là. C'est pas un hasard, là. Ils ont pas des statistiques qui nous permettent de croire que ça va ralentir. C'est ça qui est intéressant. Ouais. C'est le personnel de partant qui me chatouille un peu. Ils ont un excellent personnel de releveur. On sait qu'ils frappent. Mais là, on fait confiance à beaucoup de gars qui, on enlève ce gars-là, là, puis après ça, là, c'est un petit peu plus difficile. Est-ce que ça va tenir le coup? Et pour l'instant, ça tient le coup, puis tant mieux. Puis je vais vous dire une chose, tu parlais d'équipe excitante avec les Braves. Ils sont le fun à regarder, les Aizoclubs. Oui, mais c'est parce que les matchs sont tard, c'est pour ça. Si les matchs sont souvent très tard, là, les Aizoclubs. Ouais, non, je comprends. Les Astros, je suis confiant que, par contre, les Astros peuvent, tu sais, tranquillement, pas vite, Correa est revenu. Je veux dire, c'est correct, ce passage à vide-là. C'est pas inhabituel. Mais c'est une grosse série. Je pense que là, les Astros doivent prendre ça au sérieux. Seulement 2 matchs qui les séparent, là. Hey Marc, pendant que je te parle, j'ai oublié de t'en parler dehors des ondes, je veux savoir ce que t'en penses là-dessus, mais tu vas être capable facilement de me répondre. Bruno Boudreau, la semaine passée, il a dit, moi, être les partisans des Red Sox, je serais inquiet. Ils ont jamais eu d'adversité, ils ont pas eu de passage à vide, puis il en faut un passage à vide. Est-ce que, puis tu sais, les Mariners Seattle en 2001, 116 victoires, arrivent d'un série et perdent. Est-ce que toi, là, t'es un partisan des Red Sox, ça fait qu'ils n'ont pas eu d'adversité, qu'ils n'ont pas eu de passage à vide durant la saison, est-ce que tu serais inquiet? Est-ce que tu penses qu'ils ont piqué trop de bonheur? Non, moi, je ne serais pas inquiet. Non, je ne serais pas inquiet. Honnêtement, ça va... tu sais, c'est parce qu'on gagne de tellement de façons. Ouais. On peut vous battre de toutes les façons imaginables. C'est pas une équipe, par exemple, qui ne frappe que des circuits, puis que là, à un moment donné, whoop, on va avoir un ralentissement. Tu frappes des circuits, on vole des buts, on gagne les matchs d'un point, on gagne les matchs de 7 points d'écart. Tu sais, moi, je serais pas inquiet dans le sens que je pense pas que tu dois absolument avoir un passage à vide. Par contre, là, la question, c'est de savoir, est-ce que tu vas arriver en début de série puis t'es prêt à 100% avec tout le monde en santé? Je pense que c'est ça la question. Ils ont très bien réagi avec Chris Sale. Rappelle-toi, là, Chris Sale, l'an dernier, avait été surutilisé, était fatigué. Là, whoop, on le place, il était blessé pour justement le reposer un peu. Je pense que c'est ça la clé. C'est que les gars, tu sais, Mookie Betts, là, il a pas joué le match de mercredi parce qu'on était en congé jeudi. Bon, il est venu comme frappeur suffisant, tu vas me dire, là, mais il a pas joué, il a pas commencé. Fait que là, ça donne 2 journées de congé. Fait que Cora, c'est ce qu'il est en train de faire. Donne des journées de congé à Martinez de temps en temps. Donne des journées de congé à Mookie Betts. Il y a le luxe de le faire, là, parce qu'avec Il y a le luxe de le faire. Alors, c'est pour ça que, tu sais, moi, j'opterais bien plus pour le fait de m'assurer que mes gros joueurs là soient au repos le plus souvent possible d'ici la fin de la saison pour que quand octobre arrive et que ces gars-là soient vraiment à la hauteur. Puis, honnêtement, même s'il y en avait un passage à vide en ce moment, tu sais, honnêtement, ça ne dérangerait pas. Mais je pense pas que tu dois absolument en avoir un. Enfin, compte tenu du fait que, comme j'ai mentionné, c'est pas une équipe unidimensionnelle. Tu fais tout bien présentement. Puis, okay. Regarde, c'est tant mieux pour eux. OK. Marc, je veux t'emmener sur la déclaration de Jason Ward. Je t'ai écouté cette semaine avec Compte Complet. Vous avez parlé beaucoup de statistiques. Vous avez parlé, et ainsi de suite. Moi, je veux t'emmener sur une autre affaire qu'Alain t'a emmené. Moi, ce que j'ai, quand j'ai commencé à écouter le baseball à fond, c'était dans les années de White Herzog avec les Vince Coleman, Ozzie Smith, Willie McGee. Les matchs avec Spokart, c'était excitant, là. C'était vraiment excitant. Il y avait des frappes éco, il y avait des vols de but, il y avait de la stratégie. Il y avait le squeeze, et ainsi de suite. Là, c'est sûr que j'écoute plus de matchs de Ligue américaine avec la présence des Blue Jays, des Red Sox, et ainsi de suite. Mais par contre, il y a beaucoup moins de ça. Les gars se sont fait dire que voler des buts, c'était pas payant. Mais est-ce que tu penses que ça va revenir, ça, les époques des Expos et des Cards avec des équipes? Il y avait des gars qui volaient 100 buts par année. T'sais, aujourd'hui, il y a des équipes qui volent même pas 100 buts. Puis à l'époque, Vince Coleman en volait 100 lui tout seul. En fait, je pense qu'on verra plus cette époque-là de 100 buts volés pour la simple et bonne raison. Pas parce que les gars courent moins ou les gars courent moins vite. Les lanceurs sont tellement meilleurs à retenir les coureurs. Okay. Tu sais, ce qu'on appelle les fameux slide steps, là. Ouais. Donc, où le lanceur lève pas sa jambe, mais il fait juste faire son pas, puis il lance. Donc, c'est des gestes extrêmement rapides vers le marbre. Ça donne pas de chance aux coureurs. Mm-hmm. Fait qu'on a comme peaufiné cet aspect-là du baseball qui fait qu'un très bon coureur a quand même des ennuis à voler des buts. Ceci étant dit, moi, je pense que on s'entend que l'amorti, t'as parlé de squeeze, je pourrais te parler de tir commandé à l'extérieur. Ouais. Écoute, c'est à peu près là en voie d'extinction présentement. Là. On en voit très très peu, puis on voit la tendance des 5-6 dernières années, c'est en déclin, il y en a presque plus. Mm. Mais je pense que le baseball on va revivre un petit peu ça parce que là les retraits sur des prises ont pris le dessus avec les coups de circuit, j'en conviens, mais les jeunes athlètes qui s'en viennent, là, qui ont, tu sais, depuis les défenses spéciales, les défenses adaptées du baseball, là, les jeunes qui poussent en ce moment, les Guerrero, mais pas juste eux autres, mais d'autres qui s'en viennent, la nouvelle génération de joueurs, là, c'est des joueurs qui sont beaucoup plus complets comme frappeurs. Ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'on va réutiliser le carré un petit peu plus, et ça va ramener, selon moi, plus de frapper court et de ci et de ça. Je ne sais pas l'année prochaine ou dans deux ans, mais selon moi, ça va revenir parce que les lanceurs sont rendus tellement bons. Tu sais, les lanceurs, là, c'est continue de s'améliorer. J'ai encore vu une statistique hier. Là, depuis 5 ans, on a augmenté de 3,7 000 à l'heure les tirs du baseball majeur. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. Fait que là, les frappeurs, ben oui, il va falloir que tu t'adaptes. Je trouve qu'ils s'adaptent quand même relativement bien. Mais on va mettre la balle en jeu. On va recommencer à mettre la balle en jeu un petit peu plus, compte tenu du fait qu'on, c'est ce qu'on voit seulement. C'est ce type de balle rapide-là. Tu sais, ça a pris du temps aux frappeurs à s'adapter à cette vélocité-là. Là, on s'adapte tranquillement, pas vite. Donc, selon moi, on va revoir dans le baseball, ici, une coupe d'année, le fait qu'il va y avoir un petit peu plus d'activité sur les sentiers, des gars un petit peu plus souvent en course ou des frappés courts, des choses de ça. Parce que c'est payant. C'est extrêmement payant. Je parle pas nécessairement d'amorti sacrifice. Ça, je suis pas convaincu que ça va nécessairement revenir tant que ça. Mais je pense qu'on va on n'aura pas le choix de repêcher de très bons athlètes qui vont courir vite, qui vont donner la chance. Encore une fois, je reviens aux Red Sox. Mm. Les Red Sox, là, tant qu'à ça, le Cora pourrait se croiser les bras et dire, ben garde, frapper mon circuit de 3 points. Puis non, t'sais, Bette vole des buts, Bradley vole des buts, tout le monde est capable de voler des buts. Puis tu vas chercher des points avec ça, alors ça sera pas différent. On est dans une phase, on s'en est déjà parlé, on est dans une phase dans le baseball majeur où là, on vit le circuit, le but sur balle ou le retrait sur des prises. Mais je sens, moi, que la nouvelle génération de frappeurs s'adapte davantage, puis on va revoir du baseball. Donc, plus de balles en jeu là, au cours des prochaines années, selon moi. Mais il y avait aussi l'aspect que, déjà, ayant le frappeur de choix, ça enlève de la stratégie. Moi, c'est pour ça que j'aime mieux les matchs de la Ligue nationale, parce que avec le lanceur, c'est très différent. Mais aussi, à l'époque, le stade Bush, rappelle-toi, Marc, et même le stade olympique, c'était des cimetières de frappeurs. Et t'avais pas le choix, là. Les Cards étaient, dans le temps de White Herzog, il y avait une Jack Clark qui avait de la puissance. Le reste, il y avait pas le choix de bâtir leur équipe en fonction de la vitesse, là. Ah, c'est vrai que les allées ouais. dans ces stades-là, là, ça ne finissait plus. D'ailleurs, on battait des records de triples, on frappait des ouais. triples à profusion. Surtout qu'une balle. Et tu avais aussi la fameuse AstroTurf, là, le fameux ouais. premier tapis synthétique. Tu frappais un dur roulant, là, la balle se rendait en clôture. Mm. Chose que tu as peut-être moins aujourd'hui. Mais tu regardes, c'est sûr que un dépisteur va rechercher le gars de 6 pieds 2, 210, qui frappe avec puissance, qui court relativement bien. Mais les bons athlètes ont leur place, puis moi, c'est ce que j'aime. T'sais, je regarde les Red Sox, je reviens encore aux Red Sox juste parce que c'est des exemples qui sont concrets. Mais tu sais, Mookie Betts, là, c'est pas un gars de 6 pieds 2, 210. Non, non. Andrew Benintendi, c'est pas un gars de 6 pieds 2, 210. Mm. Et Brock Holt, qui fait un travail extraordinaire en ce moment, à l'absence de que ce soit Pedroia ou autre. Tu sais, je veux dire, fait un travail remarquable, Altuve. Tu sais, je pourrais te nommer, là, je sais pas, moi, 15, 20, 20, 25 gars de 5 et 11, de 175, 180, 185 livres, qui frappent avec puissance, qui courent, qui lancent. Alors, moi, ce que j'aime de ça, c'est qu'on va être obligé d'être plus sérieux avec ce genre de talent-là, parce qu'on réalise à quel point, c'est d'autant plus efficace que le gros gaillard qui semble impressionnant en pratique au bâton, mais qui n'a pas nécessairement les résultats là, en match. C'est l'équivalent du lanceur partant qui lance la balle à effet. Greg Maddux, on s'en a déjà parlé, mais Greg Maddux, mais là en 2018, est-ce qu'il est repêché en première ronde? Pourtant, c'est un lanceur extraordinaire. C'est un des meilleurs lanceurs d'histoire du baseball. Là. Et ton exemple est excellent. Ton exemple est excellent, puis on le voit quand même encore. Tu sais, je regarde un Rick Porcello cette année, là. Tu sais, je veux dire, il lance pas 95 000 à l'heure, mais tu sais, alors, tu sais, la puissance est venue, c'est correct, là, la puissance est venue s'ajouter au sport, lanceur-frappeur, pas de problème, mais je pense que la finesse a encore sa place, je pense qu'un mélange de tout ça fait que ça va faire un sport qui va nous donner un bon spectacle. Hey Marc, en terminant, c'est les petites ligues, est-ce que le tournoi des petites ligues, est-ce que je compare ça avec le tournoi Pee Wee de Québec au hockey, c'est-tu l'équivalent? Ben écoute, ça c'est vrai que c'est une belle comparaison, honnêtement. Ouais. C'est sûr que le tournoi Pee Wee de Québec, bon, c'est une notoriété mondiale. C'est malheureux que les matchs ne soient pas nécessairement télévisés au niveau national, comme ESPN a décidé de prendre ça en charge un peu aux États-Unis. Mais, tu sais, je veux dire, absolument. Tu sais, quelqu'un qui va au tournoi Pee Wee va s'en vanter toute sa vie. Ouais. Il va dire, écoute, moi, j'ai participé au tournoi Pee Wee. Ben, absolument. Sauf que, tu sais, c'est les petites ligues, ce qu'ils ont réussi à faire au cours des 10, 12, 15 dernières années, c'est extraordinaire. La visibilité, tout ce qu'il y a derrière, évidemment, la participation de toutes les équipes, que ce soit de l'Asie ou d'Amérique latine. Mm. Alors, écoute, on a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est des expériences tout à fait uniques pour ces jeunes-là. Puis, ils sont bons, hein? Oui. Effectivement, le match de dimanche soir que vous allez présenter va être en direct de Williamsport également. Là. Exactement. C'est assez particulier. C'est à 19h au lieu de 20h, là, qui est habituellement le dimanche. Mais, puis, écoute, tu sais, veux pas, les gars du baseball majeur, ben la plupart ont passé par là, ou en tout cas à ce niveau-là, puis... on voit à quel point, tu sais, écoute, c'est des jeunes d'une douzaine d'années. Ouais. Puis tu sais, je regarde des sautos de ce monde qui ont juste 19 ans. Fait que c'est juste, tu sais, 6-7 ans plus tard, puis tu peux voir ces gars-là dans le baseball majeur. Donc, une évolution extrêmement rapide là, du talent de ces jeunes-là. Hier, sur TSN, sur le site de TSN, on montrait les joueurs qui ont participé aux petites ligues. Gary Sheffield, Cody Bellinger. Mm-hmm. Il y en a plusieurs autres également, là, mais lui qu'on a marqué le plus, c'est Gary Sheffield. Marc, un gros merci, on se reparle dans les prochaines semaines. Pas de problème, merci. Collaborateur Marc Griffin.